détergent qui attaque tout ce qui n'est pas beau. Cette race qui se cache au fond des tuyaux tortueux, par où s'écoule l'eau sale des lavabos. Les détergents aseptisent les sanitaires, ils dissolvent tous ces microbes qui se reproduisent dans l'obscurité, désespérément accrochés aux immondices, collés aux parois de plastique ou de plomb. Lorsqu'ils se déplacent jusqu'au supermarché, les gens se rendent au rayon des détergents. Des détergents que l'on précipite de la bouteille de plastique jusque sur les mailles de l'évier. Puis il s'écoule le long de son canalisation, ça s'inue dans la saleté stagnante des égouts souterrains. Lorsqu'il se déplace jusqu'au supermarché, les gens se rendent au rayon des détergents. La valse des détergents, ils achèvent leur course fluide dans de tristes fleuves, follement méandreux, follement méandreux. Lorsqu'ils se déplacent jusqu'au supermarché, les gens se rendent au rayon des détergents. Lorsqu'ils se déplacent jusqu'au supermarché, les gens se rendent au rayon des détergents. Lorsqu'ils se déplacent jusqu'au supermarché, les gens se rendent au rayon des détergents.